On sait tous que tu vas rien faire, boy, tous que tu vas rien faire. Arrête de dis, arrête de clair. Sois discret quand tu parles d'un frère. On sait tous que tu vas rien faire, boy, tous que tu vas rien faire. Tu parles de bise mais tu fais air. Sois discret quand tu parles d'un frère. Allez, remballe tes flots sans gluten. Dans tes concerts, les faux s'agglutinent. À mes concerts, ils vont sangloter. Fort coincé dans la fosse engloutie. Fort qu'ils m'ont déçu comme sans Goten. Ils m'ont déçu comme sans Goten. Imagine Batman sans Gotham. Imagine Canal sans cocaine. J'impose mon goût comme Clou Giroff. Ils ont besoin de s'accoutumer. J'inspire les MC comme Cool G-Rap. J'lis sur leur visage comme Gucci Mane. On saccage la ville comme Gojira. J'suis à Coachella avec Ed Sheeran. Dans mes classiques, j'écoute du rock. Dans le calcif, j'ai un coup de rap. On sait tous que tu vas rien faire, boy. Tous que tu vas rien faire. Arrête de dis, arrête de clair. Sois discret quand tu parles d'un frère. On sait tous que tu vas rien faire, boy. Tous que tu vas rien faire. Tu parles de bise, mais tu fais R. Sois discret quand tu parles d'un frère. Logo du L sur la chaîne. Sensu 9 sera pris coûtant. Mieux que le miel sur le chèvre. Mieux que l'œuf dans l'abri coton. J'pourrais les fumer, mais quel enjeu. Légendaire 16, Michel-Ange. Flow est nickel, prod est nickel. Si ça conne, pas nickel, l'ingé. Tu parles match en mode tempête. T'as de la chance que ton pote t'en perd. Quand tu te fais baffer, taupe t'en perd. T'aurais mieux fait taffer comme ton père. La bague tourne, tourne comme un putain de discret, yeah. Ces derniers temps, j'avais des galères, j'étais discret, yeah. Pousse sur la terre, puis retourne sur la terre. J'ai mes books sur le texte, dans le four, dans le bec. C'est un loup, c'est les textes, un loup solitaire. Je connais les rappeurs, dis-moi où sont les gangsta. Bon, si t'as rien sous la combi, baisse-toi, bambino. J'ai pas compris, qu'est-ce t'as. Goûte ma cam, c'est un bon bis, Tesla. Bombi sans faire de bruit comme Tesla. Pousse-toi, tu vas rien faire, boy. Pousse-toi, tu vas rien faire. T'es dans la tease, t'es dans l'affaire. Reste discret quand tu parles d'un frère. On sait tous que tu vas rien faire, boy. Tous que tu vas rien faire. Tu parles de bise, mais tu fais air. Sois discret quand tu parles d'un frère. Avec les femmes de ma vie, le langage reste codé. Comme d'hab, on finit par détruire ce qu'on aime. Mon ex avait les plus belles tresses collées, mais j'avais promis que je deviendrais presque honnête. Tu loin des faillots dans le rap très scolaire. Bienvenue dans la tête d'un humanoïde. Les rappeurs disent à leur beatmaker, je ne peux pas faire de bon couplet, mais donnez-moi le hit. Qui peut nous test nous quand on vient célébrer le kickage? Le rap game c'est pas Death Note, à la fin c'est le L qui gagne. Parfois la victoire coûte rush, du mal à me faire de nouveaux crush. Sors de ma brush que pour le brunch, j'écoute Nirvana, je suis en mode grunge. Compte sur moi pour le traitement des mères, compte sur Diaby pour le traitement de voix. J'ai la part pour la maman près de la mère, calcule pas les pics que les traitements voient. J'ai assassiné mon ego. La prod a signé ma négo. J'entends Dooms me dire, tu vois pas quel signe est mon ego. On sait tous que tu vas rien faire, boy. Tous que tu vas rien faire. Arrête de dis, arrête de clair. Sois discret quand tu parles d'un frère. On sait tous que tu vas rien faire, boy. Tous que tu vas rien faire. Tu parles de bise mais tu fais air. Sois discret quand tu parles d'un frère. Dans ton vécu personne y croit. Ici on a tous derrière ta meuf. Personne veut la toucher comme